Cinéphiles de notre temps continue ses pérégrinations en festival et cette fois-ci, du 11 au 15 décembre 2019, nous avons posé notre micro au Carrefour de l'Animation, festival spécialisé dans le cinéma d'animation, aux films de tout pays, de toutes formes et de toutes sortes. Pour cette dernière pastille, nous questionnons Alexis Huneau, spécialiste du cinéma d'animation et fidèle du Carrefour depuis de nombreuses années. Bonjour Monsieur Alexis Huneau, vous êtes donc chroniqueur spécialiste du cinéma d'animation et ça fait pas mal de temps que vous venez au Carrefour. Alors on voulait vous poser une question un peu plus personnelle pour commencer, vous demander en fait comment vous êtes arrivé au cinéma d'animation. Est-ce que vous avez un ou plusieurs films marquants de votre cinéphilie de cette technique si particulière du cinéma? Oui, c'est assez drôle comme question, parce qu'en fait, moi, j'ai fait les études de prise de vue continue, ce que je vais appeler prise de vue continue, donc, qui est à Paris 8, et j'ai eu un coup de chance, il en faut. Hein. Mon oncle a été directeur du Festival d'Annecy pendant longtemps, il s'appelait Jean-Luc Zibéras, et donc voilà, il a un prix maintenant à son nom, il est décédé. Et la première fois que je suis allé, je crois, au festival, alors je suis nul en date, mais ça devait être aux alentours de, allez, au 85 ou 87, j'aime bien dire. Il a repris le festival en 83. Je pense que j'aime bien dire que c'est en 87, c'est une année importante. Et en fait, il y a deux films qui m'ont marqué, enfin vraiment qui m'ont marqué fort, qui sont L'homme qui plantait les arbres de Frédéric Bach, qui a été un choc évidemment et visuel et par rapport à ce que ça racontait. Et peut-être encore plus important, Les possibilités du dialogue de Jan Schwankmeyer, qui a été une claque monumentale, puisque moi, mon père était peintre. Et quelque part, je trouvais que ce cinéma d'animation regroupait ce que... J'avais été éduqué un peu avec cette envie, cet amour de la peinture. Moi, j'avais découvert le cinéma à un moment donné en arrivant à Paris vers l'âge de 10 ans, un peu plus de 12 ans, on va dire. Ça avait été un choc aussi. Et donc, ça mélangeait un peu les deux. Et je pense que c'est à ce moment-là, inconsciemment, je ne me suis pas tourné vers l'animation. Enfin, j'ai aimé l'animation, je suis retourné au Festival d'Annecy. Mais inconsciemment, je me suis dit, là, il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Et surtout, je m'étais rendu compte qu'à Paris 8, à part un prof qui nous parlait un peu d'animation, il y avait personne ne m'avait jamais parlé d'animation. Et je n'arrivais pas à comprendre que moi qui aimais le cinéma, on m'avait caché quasiment une partie mais fondamentale de l'histoire de l'animation et qu'on ne m'avait jamais parlé. Et donc je me suis dit, ce n'est pas possible. Et donc je pense que c'est là, plus tard, ça m'est revenu. Mais oui, c'est vraiment ces deux films-là. Frédéric Bach, en plus, j'ai une chance puisque Frédéric Bach, je l'ai rencontré. Alors, très brièvement, et Schwankmeyer, j'ai eu la chance de l'interviewer ici même, au Carrefour de l'année. Pas au Carrefour, au Forum des Images, mais voilà, donc oui, c'est ces deux films-là importants. Alors justement, on va revenir au Carrefour de l'animation. Comme vous l'avez dit, ça fait un petit bout de temps que vous y collaborez justement. Est-ce que vous pouvez un petit peu évoquer votre relation à ce festival ? Je pense que c'est plus que le Carrefour, c'est le Forum des Images. On a une chance incroyable à Paris et en fait, vous savez, c'est drôle parce que quand je vous parle de aujourd'hui, moi je suis prof, donc j'aime pas dire la jeune génération, ça voudrait dire que, enfin voilà, il y a quand même un fossé, ce qui n'est pas le cas, mais je pense qu'aujourd'hui, l'animation est complètement différente. Il y a des choses comme Vimeo, beaucoup plus importantes que YouTube, mais voilà, il y a Internet qui permet de voir des films. À une époque, c'était uniquement les festivals. On voyait un film à Annecy. Et puis c'était tout, on ne le revoyait plus après. Et je pense que le Forum a très tôt joué avec des gens comme Isabelle Vanini, Sylvie Porte, qui portent ce festival justement, sans faire de mauvais jeu de mots, qui voilà, sont sur ce festival et qui l'amènent depuis des années. Et en fait, le festival et tout le reste. Isabelle Vanini, par exemple, a fait des rendez-vous où elle a eu les plus grands noms du monde de l'animation qui sont venus. Donc c'est vraiment le lieu en lui-même, ce n'est pas que le Carrefour. Donc ça, c'est important de le dire, qu'il y a des gens derrière qui se battent pour le cinéma d'animation, on en a besoin. Et le Carrefour, moi je suis directeur d'un autre festival, directeur d'un festival à Paris qui s'appelle le PIAF en septembre, et nous on est compétitifs, mais avant que nous on arrive, le Carrefour était là depuis un bout de temps, et que le Carrefour c'est l'un des lieux où, c'est un vrai impressionnant, on peut avoir Bronzy, Trao et Patare Obier, qui j'étais là, juste là, c'est-à-dire qu'il représente trois mondes différents et que c'est la visibilité complète du monde de l'animation. Là, il y a Chien pourri en ce moment, qui est une série télé. Et juste là, il y a Aurel qui a un long métrage. Il y a Joseph, pardon, d'Aurel qui a un long métrage. Il va y avoir des films d'étudiants. Il y a eu La Poudrière pour d'autres films d'école. Il y a eu des films pro. Il y a plein d'élèves qui ont travaillé sur le cadre exquis. C'est-à-dire que c'est une espèce de mélange de tout ça qui fait qu'on se voit, on voit bien, même là, en temps de grève, et c'est pas évident toujours de se déplacer, et ben il y a quand même pas mal de monde qui vient quand même, qui se déplace. Et le Carrefour, c'est ça, quoi. C'est, on s'est battu à un moment donné parce qu'il a failli disparaître. En tout cas, c'était un peu compliqué. Le forum, bah oui, ça n'amenait pas suffisamment de monde. Et bah, il faut qu'il vive, évidemment, encore des années et des années, parce que c'est une ouverture absolument incroyable sur l'animation. Et là, vous avez présenté hier, je crois bien, vous avez animé avec Benoît Chieux sa séance sur son prochain long-métrage, et je crois son premier, Sirocco et le Royaume des Courants d'Air. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Ouais. Alors c'est son premier où il réalise seul, puisqu'en effet, il avait fait Tantilda, où qu'il avait co-réalisé avec Jacques-Rémy Gérard. C'était une séance fascinante. C'est une séance fascinante parce qu'en fait, Benoît Chieux est quelqu'un de vraiment absolument étonnant. C'est quelqu'un qui... comment dire? L'une des problématiques qu'on a en animation, comme je dis, je suis prof et puis j'aime tout le cinéma, c'est la mise en scène. En fait, beaucoup d'auteurs et de réalisatrices et de réalisateurs, finalement, d'animation, pensent peu en termes de mise en scène, mais pensent en termes d'animation et de ce qu'ils sont capables de faire ou de ce qu'ils pensent que les autres vont être capables de faire. Ce qui fait qu'en fait, quand ils réfléchissent à leur mise en scène, ils ne se disent pas, je ne sais pas, bon, là, on est à la radio, mais voilà, j'ai trois personnes en face de moi qui je cadre. Est-ce que je vais cadrer juste la personne qui me pose la question? Est-ce que je vais réaliser trois? Est-ce que je vais faire un chant contre chant avec moi, etc.? Qu'est-ce que j'ai envie de dire du moment qu'on est en train de vivre en ce moment au niveau de l'image? Souvent, les gens de l'animation vont plutôt se dire, oh là là, ils sont trop en face, il faut faire les trois personnes, ça va être long, il faut faire trois chara-design, des trois... Bon, ok, je vais en faire qu'un, on va faire un chant contre chant, et puis même, tiens, c'est bien, on va faire que la personne qui intervient, comme ça, ça nous fera... Alors, je caricature, mais il y a un peu de ça par rapport à ça. Et ce qui est intéressant avec la leçon, c'est que... Enfin, oui, la leçon de mise en scène, c'est que Benoît Chieux n'a pas voulu faire un secret de fabrication, expliquer justement uniquement techniquement, ben voilà, je vais prendre tel logiciel, je vais prendre c'est telle chose, je vais travailler comme ça, etc. Mais c'est d'expliquer un peu c'est quoi la mise en scène pour lui. Et c'était fascinant parce qu'il y a plein de moments donnés où on n'était pas d'accord, où la salle, on sentait réagissait, avait envie de réagir. Mais c'était un moment donné qui était étonnant parce que je pense qu'on commence à parler de mise en scène dans l'animation. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont été des grands metteurs en scène avant, des gens comme Jean-François Laguioni, bien évidemment, par exemple. Mais on en parle un peu plus grâce à un film qui est « J'ai perdu mon corps » de Jérémy Clapin cette année, qui travaille énormément la mise en scène et qui travaille une mise en scène plus classique, on va dire, alors que Jean-François Laguioni a une mise en scène qui est plus contemplative. Et là, avec le film de Jérémy Clapin, d'un seul coup, il y a plein de gens qui se sont dit « Mais oui, on peut faire un film comme on fait un film de prise de vue continue. » C'est-à-dire, encore une fois, ben, ce que je vous disais, qui on cadre, comment on cadre, est-ce qu'on fait un mouvement de caméra, est-ce qu'on n'en fait pas, est-ce qu'il y a du hors-champ, pas de hors-champ, etc., etc. Et d'un seul coup, d'imaginer non plus uniquement ce qu'on dessine, mais évidemment tout ce qu'on ne dessine pas et tout ce qui va être mis autour. Et donc, la leçon de Benoît Chieux était intéressante parce que c'était finalement pas tant sur Sirocco, ce qui a pu décevoir certaines personnes, parce qu'on n'a pas autant parlé du film que ça, mais c'était plutôt comment lui voyait en tout cas la mise en scène. Et c'est intéressant parce que je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on peut aussi dialoguer et finalement se dire comme genre l'animation dialogue en disant « Tu utilises TV Pen, moi Photoshop, ceci, etc. » Là, dire « Ben non, pourquoi tu as fait ce cadre-là? Pourquoi ?» etc., etc. Et donc, c'était assez fascinant pour ça. Et alors, on va parler d'un autre auteur qui aborde la mise en scène d'une autre façon. Il me semble que vous êtes aussi spécialiste de l'animation japonaise, en partie en tout cas. Bah disons, c'est difficile. Juste par exemple, parce que c'est intéressant, c'est que je pense qu'en fait, c'est compliqué de dire, c'est tellement large, c'est comme si on disait à quelqu'un, j'aime l'animation. Et donc, j'aime pas me dire spécialiste. C'est un mot que j'emploie pas, par exemple, moi je dis que je suis activiste du cinéma d'animation, je cherche de me battre pour le cinéma d'animation. C'est vrai que le mot spécialiste est compliqué dans le sens où il y a des grands spécialistes du cinéma japonais, il y a des grands spécialistes du cinéma, du polar, etc., etc. Et qu'en animation, on est obligé de couvrir beaucoup de choses. Je connais des grands noms comme Hidane Nguyen, qui sont des grands spécialistes du cinéma japonais. Je ne me permettrai pas, je n'arrive pas à la cheville. Après, en effet, j'aime ça. J'ai eu la chance d'interviewer Isao Takahata, Kon Satoshi, des gens comme ça. Donc, j'aime ça et je pense que voilà, j'ai une vision en tout cas du cinéma d'animation japonais. Pardon, mais c'est juste le mot spécialiste qui me, à chaque fois. Non, mais vous avez voilà. Raison. Et justement, vous introduisiez la séance de Millennium Actress jeudi dernier, me semble. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots de ce film qui est assez particulier, puis de Satoshi Kon justement à qui on rendait hommage pour le festival? On n'aurait pas le temps, il faudrait une heure, même plus que ça, vous parler de Ken Satoshi. C'est, je pense, l'un des grands noms. Moi, c'est l'un de mes grands chocs. J'ai eu, encore une fois, le plaisir de l'interviewer ici quand il était venu pour présenter, je ne sais plus si Million Actress, mais je crois que c'était ça. C'était quelqu'un, mais voilà, on est complètement en raccord avec tout ce qu'on vient de dire sur Benoît Hacheux. Jérémy Clapin, c'est quelqu'un qui aimait... il y a 15 ans, 20 ans, réfléchissait à le cinéma avant tout. C'est quelqu'un qui dit bien, pas mal d'interviews, il raconte, il dit, je trouve ça inintéressant les gens qui sont intervallistes et puis qui sont ensuite sous ceci et puis sous cela et puis qui deviennent assistants réalisateurs et qui deviennent réalisateurs ou réalisatrices et qui n'ont rien à dire. Et il y en a plein comme ça au Japon, il y en a partout qui finalement n'ont pas. Lui, c'est quelqu'un qui avait des choses à dire. Et encore une fois, ce n'est pas méchant, il y a des animateurs, des animatrices qui ont des choses à dire avec leur talent qu'ils ont et qu'un bon réalisateur et une bonne réalisatrice... Ben, sans animateur, animatrice, ils ne peuvent rien faire. Donc, on a besoin de ces gens-là, mais il y a quelques espèces d'aura sur le réalisateur et la réalisatrice qui est un peu... Voilà, qui est présent, on le sait bien. Ken Satoshi, c'est un réalisateur au-delà d'image par image qui était absolument important, passionnant, fascinant, qui travaillait de manière d'une intelligence incroyable, tous ses cadres, son travail sur le son, etc. Donc voilà, on pourra en dire plus, on ne va pas trop prendre de temps. Million Actress, il faut aller le voir, il sort en salle. Ça met, il a mis, allez, je sais plus, je crois 16 ans à peu près, ou 18 ans pour sortir enfin en salle. Si on aime le cinéma, je veux dire, dans ma petite introduction, je pense que c'est un film, moi c'est mon film préféré de Ken Satoshi, parce que si on aime le cinéma, c'est un film qui raconte comment le cinéma impacte nos vies et comment aussi on peut essayer... nos vies soient impactées. C'est-à-dire, c'est pas uniquement que le cinéma soit impacté par le cinéma. C'est une femme, il n'y a rien de plus beau, c'est une femme qui se dit d'un seul coup qu'à ce moment romantique ou ce moment en tout cas amoureux avec cet homme, cette espèce de passage, pas amoureux, mais qui est juste à un moment donné, et qui se dit, je vais faire du cinéma, comme ça, s'il doit me retrouver, la personne va me retrouver. Et qui va être ce passage entre, finalement, moi qui aime le cinéma, entre, ben voilà, quoi, c'est... ce moment qui est complexe entre notre réalité, on est là, mais aussi de, bah, tout le cinéma qui nous, encore une fois, je remploie le mot impact, mais qui nous impacte. On a tous été, je suppose, vous trois aussi, marqués par les films à un moment donné, ou en tout cas réfléchis. On a cru qu'on était des super-héros à un moment donné en voyant tel film. On a cru qu'on allait tomber amoureux ou amoureuse de, je sais pas qui, un prince ou une princesse ou un crapaud et une grenouille, on s'en fout, mais en tout cas, voilà, ce genre de choses. Et je pense que Ken Satoshi, Million Actress, c'est ça aussi. Et en plus, ça montre, moi qui suis un fan de cinéma japonais tout court, ça montre aussi plein d'extraits et plein de grands moments du cinéma japonais. Donc c'est, voilà, c'est un film vraiment à voir. Merci beaucoup en tout cas pour cette belle déclaration d'amour au cinéma. Et moi j'aimerais finir sur justement le film que vous allez présenter tout à l'heure, Homeless, qui est un film inédit en France. Je voulais vous demander pourquoi vous allez le présenter, comment vous allez le présenter. C'est un peu compliqué. Pourquoi j'ai le présenté? Parce qu'on me l'a demandé. Et quand Isabelle Vanini ou Sylvie Porte me demandent quelque chose, je le fais parce que, d'abord, c'est un vrai bonheur quand on vous demande et qu'on vous fait confiance. Et j'ai un côté... c'est toujours difficile de parler de soi parce qu'il y a un côté un peu prétentieux et un peu excentrique, mais j'ai un côté un peu iconoclaste. Et elles me connaissent et je peux arriver. Normalement, là, je ne l'ai pas fait cette année, mais je fais ça en cours aussi et je fais ça dans mes conférences. Je mets de la musique pour faire l'entrée, parce que j'aime la musique et je trouve ça dommage, et je me suis ennuyé à mes cours, et donc je me dis, il faut que je mette de la musique, donc voilà. Et moi, j'aime des musiques qui vont du métal à Britney Spears, à Steve Reich, enfin voilà, des choses un peu bizarres, enfin un peu différentes, et elles me font confiance. Donc ça, ça peut paraître bête, mais je pense qu'à un moment donné, la relation avec les gens est très importante, et quand quelqu'un, et quand des personnes comme ça vous font confiance depuis des années, malgré justement que vous fassiez un peu des fois ce que vous voulez, et ben c'est plutôt agréable. Donc c'est aussi pour ça. C'est une petite parenthèse, mais elle est importante. Pourquoi Homeless? Alors, c'est une question piège, parce que c'est pas un film que j'aime tant que ça, mais c'est un film qui, je pense, montre bien ce qu'est le long métrage d'animation aujourd'hui, et c'est pour ça aussi que ça m'intéresse de le présenter. C'est ce que je vais tenter de dire. C'est un film chilien. On ne connaît quasiment pas l'animation chilienne, il n'y a quasiment rien. Enfin, moi qui suis l'animation depuis un bout de temps maintenant, on ne connaît vraiment pas grand-chose. Il y a un court-métrage qui a eu l'Oscar de manière... Personne n'y croyait en 2015. Et en fait, alors, il y a deux choses pour essayer de faire court. C'est que, il y a un côté un peu trash qui est un peu sympa. Ça nous parle un peu, en gros, de ce qui se passe aujourd'hui. Je suis, comme je dis souvent, et je pense que c'est tellement important de le dire, quand je dis toujours... je reviens sur mon côté prof, mais je suis prof et donc je dis toujours un cours, c'est un discours. Moi, je suis désespérément de gauche, j'ai une mission sur Radio Libertaire, qui est la Fédération anarchiste. Et voilà quoi, donc je ne vais pas me changer par rapport à ça. Et là, c'est un film qui nous dit à quel point on est dans la merde et à quel point, voilà, et qui nous ramène à Walt Disney cryogénisé qui veut absolument qu'on soit tous heureux avec ses parcs, etc. etc. Donc il y a un côté un peu jouissif, un peu à la South Park qui est présent, même si le film ne tient pas sur la longueur, mais il y a ça. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est aussi parce que c'est un peu ce qui a changé dans le monde de l'animation. C'est-à-dire que si vous m'avez posé la question de me dire qu'est-ce qui a changé entre il y a 20 ans ou 30 ans et aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a toujours autant de courts-métrages, sûrement plus, mais il y a surtout beaucoup plus de longs-métrages. Quand à Annecy, il y a 30 ans, il y avait 15 longs-métrages, qu'est-ce que je raconte, des fois 10 qui étaient présentés parce qu'il n'y avait pas les films hollywoodiens. Aujourd'hui, ils en reçoivent une centaine. Et tout n'est pas envoyé à Annecy. Donc, vous vous rendez compte que c'est, en fait, beaucoup de choses se jouent là-dedans. C'est-à-dire qu'on, certes, dans l'idée de l'animation, alors, on parle beaucoup d'animation ado-adulte. Moi, je pense que le vrai combat maintenant, ça va être dans l'animation adulte. Ça va être dans l'idée de réfléchir le mouvement. Ça va être tous les, je vous fais comme ça tous les enjeux qu'il y a sur l'animation pour les prochains. Il envoie une main. Ah voilà, c'est ça. C'est, y a, on voit pas, mais elle est proche du micro. Donc voilà, il y a ça, il y a le mouvement et le non-mouvement, en tout cas la réflexion sur le mouvement. C'est-à-dire ne plus avoir un mouvement fluide à la Disney, à la Gobelin, ce genre de choses hein, qui peut être très beau, mais qui d'un seul coup demande plus d'argent, demande plus de moyens et qui forcément contraint au niveau du sujet qu'on a envie de dire. J'ai pas dit, mais Millennium Actress a coûté 1,2 million d'euros. C'est rien. C'est rien. J'ai perdu par mon rapport à l'animation. J'ai perdu mon corps, en a coûté 4,5 millions. L'RNC Célestine 10. Et Frozen 2. Alors, j'ai pas le chiffre de Frozen 2. On est aux alentours. Les productions Disney américaines sont entre 150 millions et 200 millions de dollars. Et comme je le disais, uniquement sur la France, leur budget com. C'est pour ça que c'est un combat qu'il faut faire. La Reine des Neiges 2. C'est à peu près le budget de J'ai perdu mon corps de production. C'est-à-dire qu'avec le projet, juste la pub qu'ils ont pour Frozen 2, on peut faire un long métrage en France. Donc vous vous rendez compte à quel point le combat est complexe, parce que ça veut dire que pour exister en salle, faut du boulot. C'est le même combat que les grosses productions et le cinéma d'auteur, entre guillemets. Mais c'est pareil, mais c'est fou parce que je trouve quand même que le cinéma d'animation, on lui réserve des festivals, on lui réserve Annecy. Mais c'est comme si c'était jamais considéré comme du vrai cinéma. Et c'est tout le problème de l'animation, en fait. Et je crois que c'était le directeur de Cannes qui disait qu'il aurait voulu remettre la Palme d'Or à Miyazaki plus d'une fois, mais il n'arrivait jamais à temps au Festival de Cannes. Mais je crois que c'est de manière plus générale, c'est juste qu'il y a une sorte de pas de mépris, mais aussi de mépris, en fait, pour le cinéma d'animation. Et en plus, ça me fait rire que le directeur de Cannes puisse dire des conneries comme ça. Je suis désolé, mais alors là, on arrive à la fin et on va dire des vrais mots parce que non, c'est, je me suis retenu et c'est d'être poli quand même. Faut pas non plus, mais non, c'est n'importe quoi. Je veux dire, Miyazaki aurait pu être plusieurs fois, Takahata aurait pu. Enfin, faut arrêter à un moment donné. Ils ont jamais compris ça. Ils ont mis, moi je me rappelle d'une année, ils ont mis Shrek 2 en compétition. Voilà, je veux dire, qui est quand même. On peut aimer Shrek, moi j'aime pas trop, mais voilà. Ils ont mis Ghost in the Shell Innocence. J'adore Oshi, c'est pas le meilleur. J'aime bien Ghost in the Shell Innocence, il a un côté incroyable, mais évidemment, ils sont en retard. Ils disent Miyazaki parce que ça fait bien, mais ils ont découvert Miyazaki, ils ont oublié Ken Satoshi, ils ont oublié Otomo, ils ont oublié Oshi, ils ont oublié Osoda, ils ont oublié Keiichi Hara. Enfin, et là, on parle que des Japonais. Non, enfin. C'est oui, c'est très hypocrite. Ils ne connaissent rien. Ils n'ont personne dans leur équipe qui connaisse l'animation qui vont leur dire. La semaine de la critique fait du bon boulot. La quinzaine fait du bon boulot. Ils ont un RCC Destine en ouverture. La semaine de la critique, j'ai perdu mon corps cette année. J'ai perdu mon corps, j'aurais dû être en compétition officielle. On n'a pas eu fier. Les Hirondelles de Kaboul, je ne suis pas un fan. Mais le film est quand même se tient. Il était alors, on peut considérer en officiel, mais il n'était pas en officiel. Il était à un certain regard. Faut arrêter. Non, bien sûr qu'il y a un mépris. Non, mais on va pas se mentir. Il y a un mépris, il y a une reconnaissance. Un des gros festivals, pourquoi on est obligé d'avoir nos festivals? C'est délirant. Pourquoi on est obligé d'avoir un ghetto? Pourquoi on est obligé d'avoir nos festivals d'animation? C'est scandaleux. Moi, je me dis toujours, il faudrait supprimer le mot animation. Il faudrait dire image par image. On fait un festival image par image ou en prise de vue continue et qu'on devrait être dans les festivals normalement. Regardez, au César, moi je suis au César, je suis dans le comité des Césars. Je le fais parce que. Il y a le champagne à volonté, on a passé en animation, donc voilà, c'est simple et tout. Mais les Césars, vous vous rendez compte que si vous pouvez être nominé pour le César du meilleur film d'animation, et donc vous n'avez plus être nominé pour le César du meilleur premier film. C'est dans les textes. Pareil pour le documentaire. Ce qui est complètement fou, ce qui fait que ça empêche les gens. J'ai perdu mon corps, encore une fois, Persepolis avait eu premier film, je crois. En tout cas, été nominé, j'ai perdu mon corps pour être dans les deux. Et ben non, il ne peut pas l'être. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas être en meilleur premier film cette année. C'est impossible pour ça. C'est complètement fou. Donc, oui. Bah oui, c'est au maître le fait que le cinéma d'animation, c'est le cinéma, en fait. C'est comme si c'est un... C'est vraiment dingue en fait. Ah bah c'est quand même fou. Non mais c'est intéressant parce que je dis toujours, et c'est pas pour être avant, la naissance du cinéma d'animation c'est 1892. Émile Reynaud, musée Grévin, il fait les premières projections. Prise de vue continue, c'est les frères Lumière, 1895. Et sincèrement, vous regardez ce que font les frères Lumière par rapport à Émile Reynaud. C'est chiant les frères Lumière, ils mettent tout en scène. Non mais je veux pas dire, il y a Méliès qui arrive après et là d'un seul coup ça devient les frères Lumière. Je dis pas, je comprends que ça soit épatant pour plein de gens. Ils mettent la caméra, il y a les ouvriers qui sortent, ça donne. Mais on le sait bien, en plus, il y a beaucoup de scènes qui ont forcément été remontées, qui ont été refaites, etc. Bien évidemment, il y a un mépris, et même plus que ça, on s'est fait avoir dans le monde de l'animation. Moi, j'appelle toujours ça le grand frère et le petit frère. C'est comme si l'animation était le grand frère, à un moment donné, du cinéma. Et sauf que la prise de vue continue avec son photoréalisme, qui vient nous foutre en l'air d'ailleurs l'animation, Le Roi Lion, ce genre de conneries aujourd'hui que Disney fait, film horrible, où d'un seul coup on nous fait croire que le photoréalisme est meilleur, alors qu'en fait l'animation dit des choses incroyables, on n'a pas besoin de ça, bien évidemment. Et donc, est venu, et à un moment donné, a dit à l'animation, image par image, vraiment ça, c'est le petit frère qui a dit, écoute, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas faire les choses qui sont impossibles à faire. J'ai toujours en cours un truc, c'est que si on voulait faire cette scène-là qui est autour de nous, on peut le faire en animation. C'est juste une question de temps, une question d'argent, donc une question... Mon côté gauche revient, capitaliste. C'est-à-dire qu'on ne va pas le faire parce que d'un seul coup, de nous faire tous les quatre en dessin, en volume, etc., etc., bah, ça prend du temps. Si on met une caméra là et on nous filme, c'est plus simple. Sauf que si vous voulez mettre un dinosaure qui passe entre nous, on est obligé d'utiliser l'animation. Même un crocodile qui existe pourtant. Donc ça veut dire qu'en animation, et c'est ce que disait Alexeïev, on peut faire donc, un grand monsieur qui a créé l'écran d'épingle notamment, en animation, on peut faire ce que fait la prise de vue continue et plus. On peut faire les deux. Sauf que la prise de vue continue, ça coûte moins cher, voilà, souvent. Et d'un seul coup, elle dit en gros à l'animation, maintenant, tout ce qui est réaliste, c'est nous qui le faisons. Et tout ce qui est un petit peu délirant, c'est toi qui le fais. Et ça change aujourd'hui. Et par exemple, parce que c'est super important. Là on a atteint un sujet qui est tellement vaste et qui est tellement important, c'est que d'un seul coup, c'est de se dire, je ne sais pas si on se rend compte, mais... dire par exemple à des gens de l'animation, on leur dira jamais, je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais ça arrive souvent, et moi je suis dans des institutions comme le CNC, des choses importantes, hein, avec des gens qui vont dire, je vois pas pourquoi ce film on le fait en anime. On dira jamais ça à quelqu'un de la FEMIS, on va pas lui dire, pour parler des étudiants ou des étudiantes, on va pas leur dire pourquoi tu fais pas ça en animation. Jamais on leur dirait ça. Et nous en animation, on nous oblige, et Ken Satoshi était intéressant pour ça, parce qu'il disait, mais moi je fais du dessin. Et donc, j'ai envie de parler des choses qui sont autour de moi, mais en dessin, parce que c'est mon médium. Je vais pas mal jouer avec des acteurs, puisqu'en fait, l'idée, c'est d'un seul coup d'avoir des personnes en dessin, et c'est eux qui m'intéressent. Mais je ne vais pas faire des dragons, des robots, des choses comme ça. J'ai envie de parler de transsexuels, alors, transgenres aujourd'hui, de personnes qui sont dans la rue, de choses comme ça. J'ai envie de parler de ces gens-là, parce que c'est eux qui m'intéressent, mais j'ai envie de le faire avec mon médium. Mais je crois que je vais juste stopper là. On continue la discussion après, mais je stoppe là. Oui, oui. J'en profite donc pour remercier Anna Mandico qui fait les graphismes en plus de nous aider sur ces interviews, Gabriel Régnier qui fait la musique du générique, le Forum des images qui nous accueille, Alexis Huneau pour avoir répondu à nos questions, merci beaucoup, et pour avoir lancé des débats extrêmement intéressants. Avec grand plaisir, merci. Et puis Diane et Odile aussi pour sa gentillesse et pour nous avoir permis de faire ces interviews au Forum des images.